Audiomatique. Thank you.

blast the track mic device to fly the vigorous. I feed off mutative artists, perceive these notions as a potent premonition, prediction, Christianity, vanity, insanity. I believe from the holy book, the Bible's date brings the gaseous oxygen. Cosmic citrus of man is disobedient. No remorse for your cold corpse. Rejected, fled from explosive doses, the point of pharmaceutical tablets. Acid seeds stimulate reaction, erratic movement toward my peculiar behavior. I'm chaotic, I'm too orbital. My lunar eclipse rips your vision. My crew will leave you with incisions. Have you tortured, anesthetic, relax. You're recovered, your addiction. It's evident, the mismatch. I would define my own break in my moment in time. The capacity would break the moment. The psychosis toxic reaccumulates the acid in your head. Il s'agissait à Audiomatic de l'artiste autrichien Markus Kienzel, qui fait également partie du groupe Sofa Surfers et qui nous offrait sa composition Point of No Return, sur laquelle on peut entendre Oddity. Cette pièce est tirée de l'album Density. Et en début de séquence, on entendait le duo californien Jogger et la pièce Superman Live, de leur album This Great Pressure, paru sur l'étiquette Magical Properties, fondée par nul autre qu'Alfred Darlington, aussi connu comme Daedalus. Du nouvel album de Clark, nous entendons à l'instant la pièce Hoover. c'était le projet Mlada Fronta qui concluait la séquence musicale avec la pièce OSCB, une pièce qui se trouve sur l'album Night Run, paru uniquement sur vinyle et qui offre une sélection de versions alternatives de pièces de l'album Polygon, paru en 2014. Et avant Mlada Fronta, c'était Clark, projet de l'artiste Chris Clark, et la pièce Huva, tirée de son nouvel album Death Peak. C'est au tour du groupe américain Soil and Eclipse de nous faire tendre l'oreille à Audiomatic. We'll be right back.

Nous terminions ce segment musical à Audiomatique avec le groupe Bellflower et la chanson Shooting an Elephant tirée de leur album Last Quarter of the 20th Century Blues. Précédemment à Bellflower, il s'agissait de la formation Edge of Dawn et la pièce Capture que l'on retrouve sur l'album Anything That Gets You Through the Night. Et pour débuter, nous entendions la chanson Rejoice, un extrait de l'album Necromancy, le premier du groupe Soil and Eclipse. La transmission 140 d'Audiomatique se conclut sur la musique du groupe australien Severed Heads, groupe fondé en 1979. Severed Heads offre d'ailleurs un concert ce soir à Montréal sur la scène de la Sala Rossa dès 21h30. Avis aux intéressés. Quant à nous, nous écouterons la pièce Harold and Cindy Hospital, le Casualty Mix, qui se trouve, en fait, une version qui se trouve sur le maxi Propeller paru en 1986. La version originale de cette pièce se trouve, quant à elle, sur l'album The Big Bigot. Les électronistes ne contrôlent pas la fatalité, mais ils aiment croire qu'ils seront présents mercredi prochain dès 17h pour animer la transmission 141 d'Audiomatique. Si vous êtes de ceux qui croient que le destin est incertain, nous vous rassurons en vous invitant à visiter nos profils mixcloud.com/audiomatique et facebook.com/audiomatique-CFOU où vous pourrez entendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Et voici donc Harold and Cindy Hospital, le Casualty Mix interprété par Severed Heads. Bonne écoute, bonne soirée et bonne semaine.